Salut les amis. Salut Charline. Alors aujourd'hui, on va parler de cinéma français. Un film d'André Téchiné. Et l'invité, c'est Sandrine Kiberlin. Du calme. Alors Sandrine Kiberlin est la femme d'un médecin militaire. Mais non, dans le film. Donc je voudrais faire un sujet sur la difficulté d'avoir un compagnon policier, militaire ou pompier. Ou une compagne. Ça doit pas être facile d'être le mari de Julie Lescaut. Ou de Marie Pervenche. Donc pour le féminisme, on repassera. Ça doit pas être facile d'être le compagnon de Charline Gounaquet. Mais non, pas du tout. D'abord, j'ai des goûts très simples. Tu t'en occupes bien. Je fais très bien les lasagnes surgelées, par exemple. Quoi, nous? Ça doit pas être facile tous les jours d'être avec un humoriste. La meuf d'Alex, elle sait pas ce que ça fait d'être avec un humoriste. Ma meuf, elle passe pas ses nuits avec un micro de France Inter. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Tu vas au lit avec ton micro? Oui, il l'interview après l'acte pour savoir comment elle a trouvé. Mais non. Il traque toutes les arnaques, y a pas de raison qu'il traque pas celle-là. Ça va. Et vous savez pourquoi Alex il aime tant les brèves? Parce que c'est son surnom au lit, la brève. Stop, ça va. Alors bon, je note que c'est un sujet qui fait débat, d'accord. Vous ferez le même débat tout à l'heure. Vous êtes contente d'apprendre autant de choses sur vous, Sandrine Kiberlin? Non, s'il te plaît. Ça on verra, je vous signale. Charline, moi j'aime beaucoup les lasagnes surgelées. Ça me comble. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui traite l'actualité avec naïveté, puisqu'elle est présentée par des Belges. Coucou Michel Sapin. Et voici les trois informations en partance pour le pays de Gandhi, où, comme dans tous les pays, il y a des méchants et des gentils, tout le monde le sait. Coucou Michel Sapin. Les attentats et les conflits nous rappellent que des familles entières tremblent pour ceux qui tentent de protéger nos vies, les femmes d'eux ou les maris d'eux. Si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est parce qu'il y a d'autres soldats qui sont tombés comme des mouches à merde pour me protéger. Ok ? Allez, les gros devant et ceux qui savent faire une salade avec trois fois rien et une sauce ultra light derrière. S'insérer dans la société par le cinéma, c'est une expérience menée dans la banlieue de Cannes par Philippe Faucon, le réalisateur de Fatima. Les primo-arrivants permettraient de rafraîchir le point de vue au cinéma, n'est-ce pas ? Ces gens ont le sens de la répartie, l'esprit de la rue, Paris fourmille de talents anonymes, les héritiers de Marivaux, de Beaumarchais. La demande de pause pipi à stipuler par mail à son employeur, elle ne sera finalement pas mise en place par le centre d'appel qui avait eu cette brillante idée. La direction plaide un problème de paramétrage. Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Allez faire pipi. Et pour partager ce programme réjouissant, je suis accompagnée de celui qui nous fera rire jusqu'à la dernière brève, vous l'aurez compris, donc c'est Alex Vizorek. Mais oui, c'est vrai que c'est un programme réjouissant, cette émission, il faut le dire. Et pour nous réjouir, une belle équipe autour de la table à 17h20, voici l'homme, je dirais même voici l'homme qui sait. Donc en latin, ça donnerait Ecce Homo Sapiens, mais je n'ose pas lui poser la question, sinon il va m'expliquer pourquoi j'aurais dû le dire en étrusque ou en araméen. Bonjour Marius Colucci. Oui, bonjour. Aujourd'hui, je vais plutôt vous parler du futur et d'un des hommes les plus influents du futur qui existe aujourd'hui, qui s'appelle Ray Kurzweil. Pour le découvrir. 17h30, voici l'homme qui ne sait pas. L'homme qui pose des questions, ce qui en latin donnerait Ecce Homo Non Sapiens, sed micro. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors moi je me suis intéressé aujourd'hui à une loi qui vise à supprimer l'égalité des temps de parole des candidats à la présidentielle. Je suis donc allé à l'Assemblée et on a parlé chiffres. 10% de notoriété, 5% de notoriété, 0,2% d'intention de vente. Vote. Hop là, le petit lapsus. Hashtag Freud. J'aime bien quand vous allez assembler. Et 17h40, voici la femme, fille de Calliope, muse de la poésie et de Bacchus, qu'on ne présentera plus. En latin, ça donne Ecce Martini et Cointreau. Bonjour Juliette Arnaud. Eh bien, je ne vais pas me démonter, je vais vous parler d'un film dont le titre est un vers de Rimbaud, donc ça veut dire que c'est ni la légende de Zorro, ni la guerre du... Vers littéraire, vous voulez dire, bien entendu. Oui, bien sûr, à moitié plein, comme d'habitude. Aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission est né sous Pompidou. Donc hier encore, vous aviez 17 ans. Vous êtes Mademoiselle Chambon dans le film de Stéphane Brisé en 2009. C'est bien sûr l'année où le Venezuela reconnaît l'indépendance de l'Ossétie du Sud. On se rappelle de l'énorme fête qui avait suivi. Vous sortez votre premier album de chansons en 2005. C'est l'année où Céline Dion chante Pour que tu m'aimes encore. Que je chante en même temps qu'elle. Et bien mieux. Mais tout ça ne nous rendra pas René. Vous obtenez le César de la meilleure actrice pour 9 mois ferme d'Albert Dupontel en 2014. C'est l'année où Jérôme Kerviel prend 4,9 milliards fermes. Et vous, vous êtes... Et je suis Sandrine Kiberlin. Non. Alors, allez, calmez-vous. Charline Van Hunaker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Sandrine Kiberlin et Marianne. Oui. C'est la nouvelle Marianne, en tout cas celle. Absolument. Elle est en marinière. Plus, c'est vrai. Oui. Celle d'André Téchiné, puisque son dernier film, Quand on a 17 ans, sort demain en salle avec vous, Sandrine Kiberlin, et avec deux jeunes acteurs formidables, Kessimot Eklin et Corentin Fila. Oui. Alors, c'est l'histoire de Tom et Damien, qui sont deux adolescents, qui peuvent absolument pas se blairer au point de se battre violemment. On comprend ensuite que c'est parce qu'ils se désirent, mais qu'ils refusent de l'admettre. Tom, par exemple, il est métisse, adopté. Vous, vous êtes la mère de Damien, compréhensive, moderne, avec un mari militaire envoyé au front. Ça se passe dans un village des Pyrénées. D'ailleurs, il y a un adolescent qui est plutôt de la montagne et l'autre de la vallée. Alors, qu'est-ce que ce film et votre personnage racontent de la France d'aujourd'hui? Et est-ce que ça raconte quelque chose de la France d'aujourd'hui? C'est pas forcément oui. Une France qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Je dirais oui. Déjà, on a bon. Voilà. Si, au revoir. Non, oui, ça raconte quelque chose d'aujourd'hui parce que l'adolescence, c'est évidemment aussi l'adolescence, c'est l'adolescence de tous les temps, donc c'est celle qui est actuelle. Elle est presque prise, donc elle monte le temps, oui. Oui, et bien, mais c'est surtout qu'il la traite de manière assez moderne et actuelle parce que l'écoute de cette mère et de cet adolescent est particulière et je trouvais très contemporaine. Elle est dans un dialogue, dans une confiance réciproque, dans un respect. Mutuel dans un truc je trouve de notre époque. La guerre autour, on n'est pas sans savoir qu'aujourd'hui c'est compliqué aussi pour nous tous et pour tous les pays. Et tout ce qu'on a, et puis la vie une vie qu'on connaît moins, la vie des montagnes, la vie de ces gens-là, la vie qui travaillent les agriculteurs, ceux qui vivent une vie différente de la nôtre autour de cette table, après ce que j'ai compris. Votre personnage, votre personnage assez intelligent. Non, mais il brosse les bêtes. Je suis Germano Pratin. Voilà. Guillaume Meurice, vous brossez les bêtes, mais pas ceux qu'on croit. Sandrine Kiberlin, votre personnage est donc un personnage très positif. Oui. C'est une optimiste. Oui. C'est une amoureuse de la vie. C'est marrant. André Téchiné dit souvent que dans les films, il aimerait mettre toujours des fleurs, des baisers et des chansons. Il me disait, des fleurs, on en a, parce qu'elle rentre toujours avec des tulipes, des trucs, elle est toujours solaire. Des baisers, il y en a, puisqu'il y en a même beaucoup, entre mon mari et moi et entre des adolescents. Il manquait des chansons. On peut y aller en famille, donc. On peut y aller en famille. André Téchiné et Miss France, donc, on peut le dire. Voilà, et pourquoi je vous dis tout ça, je ne sais plus. Parce qu'elle est solaire, parce qu'elle est... Non, mais c'est vrai, c'est rare, une mère au cinéma aussi épanouie à tous les niveaux. C'est rare de traiter un personnage sans faille. A priori, tout va bien. Après, il y a un moment dans l'histoire où elle va vivre un chagrin et qu'elle vit là aussi entièrement. Elle est assez... c'est une femme comme ça qui est très, très entière. Et puis, elle est médecin, donc dans une zone très rurale. Ouais. Son mari est au front. 4-4, elle est comme... La femme moderne, ouais, quoi. Ouais. Non, mais c'est ça. Ouais. Et elle a affaire à des gens qui ne sont pas toujours très friqués. Elle a du mal à se faire payer. Son fils, elle d'ailleurs, elle parfois en poulet. Ouais. En... On parlera de cette scène. On parlera de cette scène. Mais oui, elle est... C'est une belle personne. C'est un personnage comme ça, très... On a envie de la connaître, je trouve. Elle est sympathique. Elle est aussi assez, finalement, adolescente elle-même, je trouve. Ce sera un petit peu l'objet de la chronique de Juliette. Mais André Téchiné est assez adolescent lui-même. Oui, alors c'est le film d'un septuagénaire. C'est le film d'un septuagénaire, mais qui est plein de jeunesse, en fait. Oui, c'est étonnant que ce soit voilà. C'est donc le film d'André Téchiné qui sort demain en salle. On va avoir l'occasion d'en reparler dans cette émission parce qu'on a choisi des sujets qui y ont trait. Quand on a 17 ans, avec Kessimot Eklin, Corentin Fila et Sandrine Kiberlin, qui est notre invitée jusqu'à 18h. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you've let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock was formed when we held hands. Sunny, sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Sunny, thank you for that gleam that fills the place. You're my spark of nature's fire. I love you. I love you. Sunny. Ouais. Vous avez reconnu Sandrine du Berlin? Oui, c'est une chanson que mon cousin me chantait à la guitare. J'étais persuadée qu'il disait Sunny. J'étais persuadée qu'il me draguait. Et en fait, j'ai appris après que c'était Sunny et pas Sandy. J'étais très déçue. Et que c'est mieux de pas coucher avec son cousin. Voilà. Et ça prouve que j'avais un gros ego très, très... très très fort à cet âge-là. Christine Boutin l'a fait pareil, son cousin il chantait cri-cri. C'était Bobby M qui chantait Sunny. Voilà, c'était parfait pour Sandrine Kiberlin qui vient nous parler du dernier film d'André Téchiné, Quand on a 17 ans, qui sort en salle demain. Et puis on commence toujours cette émission, Sandrine Kiberlin, par se remettre à flot d'informations. Voilà. Hein, pour partir sur de bonnes bases. Plus ouais. De flot que d'informations. Faites-nous confiance. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. En Égypte, un pirate détourne un avion par amour. Il voulait faire parvenir à son ex-femme une lettre de 4 pages. Après, on ennuie Valérie Trierweiler pour un pauvre tweet. François Hollande estime que s'il décide de se représenter, eh bien il l'annoncera juste avant Noël. Et comme avec tous les cadeaux de Noël, vous pourrez essayer de le revendre sur eBay après le 25 décembre. Il y a des brèves, je suppose. Ah oui, il y en a même une qui vient du Pas-de-Calais. Ah, on dit des Hauts-de-France. Ah bah, elle vient de là quand même. Et on commence par l'Égypte. Un pirate a donc détourné un avion par amour. Il voulait faire parvenir à son ex-femme une lettre de 4 pages. Cette histoire est certes révélatrice d'une certaine misère affective, mais surtout un fameux aveu de défiance envers la poste égyptienne. Détourner un avion par désespoir après que sa femme l'a quitté. Oui, on est alors en droit clairement de supposer que la femme du pilote de la Malaysian Airlines avait participé à un gangbang. Politique à présent. C'était cadeau pour Juliette Arnaud. François Hollande n'est populaire qu'auprès de 18% des Français, tandis qu'il bénéficie de 52% d'avis positifs dans l'Europe. Ah, mais les Français sont très ingrats. Oui, bah, qu'ils se présentent à l'Europe, hein, du coup, la prochaine fois. Justement, après avoir analysé l'attitude de ses prédécesseurs à l'Élysée, François Hollande estime qu'il devrait annoncer ses intentions de se présenter ou pas au présidentiel 2017, juste avant Noël. Donc, François Hollande a annoncé ses intentions d'annoncer son intention de se présenter à Noël 2017. On est là. Ça doit être ça. C'est voilà. Ça, à peu près. Passons à présent au très sérieux prix de l'humour politique. Et oui, c'est très sérieux. Et le jury a ajouté 5 phrases à la liste pour 2016. Jacques Attali avec « Je voudrais réussir à ne pas être candidat ». C'est des vraies phrases. Hein. Jean-Christophe Cambadélis avec « À droite, c'est plus une primaire, c'est une équipe de foot ». Bruno Le Maire avec « Mon intelligence est un obstacle ». Oui, avec candidat. Jean-Guy Talamoni avec « La France est un pays ami de la Corse ». Et mon petit préféré, Bruno Leroux, le 49-3 est un outil qui peut favoriser la discussion. Ils ont bien bossé. Oui, mais oui, Sandrine Kiberlin, ils l'ont tous dit. Le problème, c'est que parfois, on a l'impression qu'ils ne bossent que pour obtenir ce prix de l'humour politique. Économie, on a appris que Carlos Tavares, oui. Le PDG de PSA, avait doublé son salaire, ce qui fait grincer des dents. dans les syndicats. Mais c'est normal, les gars, il est comme tout le monde, il prend ses précautions avec la loi El Khomri, il a peur de perdre son boulot, cet homme-là. International, en plein meeting, un petit oiseau vient rejoindre Bernie Sanders. Voilà, François Hollande est vert, hein, lui qui n'avait pas réussi à apprivoiser ce pigeon. Culture à présent. Oui, Nicolas Sirkis, le chanteur d'Indochine, a été cambriolé à Versailles. Ah, est-ce qu'on a déjà une idée de l'auteur du méfait, Alex? Le bandit s'appelle Mr. Kelly Jones. Oui, il est membre du gang de l'archipel, vous allez me dire. Oui, comment vous savez? Sport, Messi ovationné, même au théâtre. Mais oui, Messi s'est rendu dans une salle de théâtre et l'acteur l'a repéré, l'a fait monter sur scène et tout le monde l'a applaudi. Vous imaginez en France comme ça Karim Benzema au théâtre? Non, je n'imagine pas Karim Benzema au théâtre. C'est vrai. Allez, bref. Oui, Marc Spencer se fait polémique hein, parce qu'il lance la conception de bikini burqa en attendant sans doute la création de crème solaire écran totalal. Mais voilà, c'est pas encore. Donc peut-être une dernière pour rattraper. Voilà, allez, je vous laisse à dire parce que j'aime bien. D'accord. Pas de Calais, oui. Deux points, agressé par son ex, il se défend avec un godemiché. Voilà, si elle avait laissé traîner le godemiché sur la table de nuit, c'est que ça faisait un moment qu'elle n'était pas contente. C'est joli cette musicalité. Qu'elle n'était pas contente. Et je suis très sur la première note, c'est ça, bien bossé. Ça, c'est la petite touche avec Vizorek. Donc on dit pas de Calais, et on dit Baudelaire. C'est ça. Mais c'est plus près de chez nous que de chez vous. On est ensemble avec Sandrine Kiberlin. On en profite jusqu'à 18h. On va parler du premier sujet. Eh bien, les attentats et les conflits mondiaux nous conduisent à avoir aussi une pensée pour les familles de ceux qui protègent ou défendent nos libertés. Il y a les militaires. Non, moi, j'y pense pas du tout. Je m'en tape. Vous avez compris l'émission, vous. J'ai compris déjà. Vous êtes servi. Les militaires, les pompiers, les policiers. Alors, concernant les policiers, des types qui ne louent pas une occasion, non ? De prendre un apéro mérite bien une petite déclaration d'amour. Allons-y, si, bien sûr. J'aime les flics de chez Cazeneuve. J'aime les flics au Bataclan. J'aime les flics quand les coups pleuvent. J'aime les flics au restaurant. J'aime les flics sur les terrasses. J'aime les Frédéric Fromet qu'on retrouvera bien sûr vendredi. Quel faillot ce Fromet. Il avait des PV à faire sauter, voilà. Alors Sandrine Kiberlin, donc on a compris que vous en tapiez des familles de. Ouais, on fout tout. Alors par contre j'ai une question qui taraude turlupine même depuis ce matin. L'histoire secondaire du film, c'est votre relation avec votre mari quand on a 17 ans d'André Deschamps. Il est médecin militaire, envoyé sur le front, et vous avez une relation par Skype avec lui, c'est-à-dire que vous jouez par Skype finalement. Ça crée à un moment, même pendant tout le film, il y a un moment où ça crée une grosse tension dramatique. Je me suis posé cette question, quand on tient le rôle principal de ce personnage qui a son mari au front, est-ce que quand on est dans cette situation, on doit jouer la situation de l'attente et de la crainte de ce qui peut arriver, hors plateau, on réfléchit à ça et on se pose des questions parce qu'on est dans un contexte où François Hollande envoie des soldats au front, au Mali, etc. Non, je vous avoue que je ne me suis pas posé de questions. Bon, d'abord parce que je m'en fous, donc ça c'est clair. Non, mais je ne me suis pas posé de questions parce que je me mets à la place de cette femme que je joue. Enfin, je deviens, je ne sais pas ce qui se passe, mais il se passe que je suis Marianne. Oui. Et donc elle a à vivre ça. Et donc j'imagine ce que ce serait que de vivre ça. Oui. Mais je ne me mets pas à penser à tous ceux qui vivent ça, si vous voulez. Mm-hmm. Ni à vous interroger sur cette question de société. Non, je suis très flémarde, pas du tout scolaire. Je ne travaille pas. Je suis dans l'instinct, dans le moment et dans ma Marianne à moi la Marianne d'André Téchiné qu'on crée comme ça. Mais non, de même que quand je vais ausculter les patients dans le film, je ne réfléchis pas à comment les médecins auscultent les patients. Je le fais mais à ma façon et après on me guide. André me dirige et me dit si ça sonne vrai, si ça ne lui va pas, si quelque chose. Mais évidemment que je me mets à la place de cette femme, donc je me mets à la place d'une femme qui attend son homme qui part au combat. Donc je ne pense pas à toutes celles-là, mais forcément je deviens une femme qui attend son homme au combat. Mmh. Ouais. Donc il n'y a pas qu'une forme de flemmardise, c'est aussi une forme d'hyper-concentration et de travail. Et d'imagination et de vouloir être dans l'insolite de ce personnage, de ne pas vouloir copier, si vous voulez, ou m'informer pour devenir une des personnes que dont je lirais la vie de cette femme qui attend son homme. Vous n'avez jamais mais... préparé un rôle à l'américaine comme non. ça en s'immergeant et non. même si c'est un personnage historique, si on vous demande de jouer Marie-Antoinette ou... Ben, j'ai joué par exemple Simone de Beauvoir et j'ai refusé de lire ou de voir des documents sur elle parce que... De coucher avec quelqu'un qui ressemble à Jean-Paul Sartre. Ça je l'ai fait, ah, oui, mais j'avais un intérêt personnel, mais ça je le fais toujours. J'ai fait beaucoup de... j'ai beaucoup couché avec des mecs qui partaient au combat, mais ça c'est pour un autre. Il fallait quand même que je nourrisse mon personnage, c'est un truc, voilà, cette forme de travailler avec l'imaginaire, je vous disais, donc j'ai besoin aussi quand même. Il y a du boulot quoi, c'est ça qu'il faut dire aussi aux jeunes comédiens. J'ai bossé, hein, j'ai bossé. Et puis surtout que les prépas sont payés, donc voilà, c'est bien, c'est vraiment... Non, c'est très très... C'est variable si vous voulez. Mais donc Simone de Beauvoir, par exemple, j'avais regardé juste un truc qui m'avait suffi, c'était elle, c'était une image en noir et blanc d'elle qui allait au kiosque acheter son journal et on la voyait partir, vous dire, de dos mais avec une démarche de bonhomme et avec ça et une phrase que j'avais entendue d'elle, j'avais son rythme et sa démarche et après ça me suffisait à inventer ma façon de d'imaginer avec Martin Provost à l'époque ce personnage. Mais chaque acteur a sa façon de travailler des personnages et des films. Voilà, en tout cas on peut y faire une lecture un peu sociale, politique, parce que votre personnage, c'est Marianne. Oui. Son mari est au front. Mmh. Et elle est moderne. Et elle est médecin dans une zone rurale et parfois reculée. Donc, moi, j'ai fait une lecture de quand on a 17 ans aussi, d'André Téchiné, d'une photographie de la France d'aujourd'hui. Et vous pourrez vous faire votre idée demain, en salle, avec Sandrine Kiberlin. Marius Colucci. Oui. Vous aussi, vous intellectualisez un petit peu. Colucci-pédia est à l'œuvre. Oui, ça dépend, effectivement. Mais c'est vrai que les policiers ont un quotidien qui n'est pas forcément évident, qu'on ne voit pas, mais par exemple, ils ne peuvent pas habiter tout bêtement dans le quartier où ils travaillent, parce que tu ne peux pas aller acheter ton pain à la boulangerie quand tu vas croiser deux types que tu as arrêtés la veille, quoi. Forcément. Ah, je n'avais pas pensé à ça. Voilà, c'est vrai, ça. Oui, oui. Bah, mais c'est la plupart du temps, ils essayent de faire en sorte, d'avoir une vie privée et une vie publique qui soit pas la même, quoi. Parce que c'est pas évident à gérer au quotidien. Si Google est en panne, Marius Colucci est là. Dites donc, votre chronique est extrêmement bien reliée au thème précédent. Sauf que ça n'a rien à voir avec ma chronique. La chance. C'était juste pour rebondir. Non, bien quand vous rebondissez. Allez-y. Aujourd'hui, je vais vous parler du transhumanisme. Alors, le transhumanisme, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. On connaissait la transhumance pour emmener les moutons paître, mais là ça n'a rien à voir. Le transhumanisme, en fait, c'est le fait d'améliorer l'être humain grâce à la technologie. Par exemple, les prothèses médicales qui sont de plus en plus performantes au point de dépasser le potentiel humain. Comme les yeux synthétiques qui permettront demain de voir aussi bien qu'un œil naturel, si ce n'est mieux puisqu'ils permettront de voir la nuit ou de voir en infrarouge. Donc peut-être que des gens valides auront envie d'avoir un sur-œil, un œil synthétique. Puis il y a aussi la nanotechnologie. Ils projettent de faire par exemple des robots minuscules qui voyageront dans notre corps pour nous guérir de l'intérieur avant qu'on ne tombe malade. Ah, ça peut être très pratique. L'inconvénient qu'il y a, s'en procure un. Vous êtes hypocondriaque. Ça viendra, ils sont en train de développer ça. Pour l'instant, ils ont encore des problèmes de miniaturisation, mais ils prévoient effectivement qu'on ait des petits robots qui régulent en gros notre flux sanguin et qui sera même connecté sur Internet, ce qui fait qu'on pourra lui envoyer des nouvelles pathologies qu'on connaissait pas encore, parce que c'est ça aussi le problème, c'est que les nanotechnologies, comme ce sera des robots qui seront très très petits et de la taille pratiquement d'une cellule, les anticorps ne pourront pas les détecter. Alors, il va falloir qu'ils soient très au point de la technique et des pathologies qui peuvent exister, parce qu'on ne pourra pas guérir de ces nanotechnologies, à part par les nanotechnologies. Ça, c'est toujours le problème de l'ingénieur qui trouve... On va avoir une multitude de nanotechnologies dans le corps. On est foutu. Voilà, alors ça, c'est qu'une des étapes du transhumanisme. Il y a aussi l'intelligence artificielle qui devrait normalement nous servir... On n'en a pas besoin, nous, ici. ...de complément intellectuel... Vous connaissez pas bien Guillaume. Parce que... Mais c'est vrai que l'intelligence artificielle va proposer demain de changer sa façon de retenir les choses. Par exemple, aujourd'hui, on ne retient plus forcément les théorèmes, mais on retient le livre dans lequel est le théorème. Et demain, on retiendra le site sur lequel il y a l'information dont on a besoin. Et toutes ces innovations... le but, c'est d'amener l'être humain à une humanité 2.0, vous avez peut-être déjà entendu l'expression, des cyborgs mi-homme, mi-machine, aux capacités décuplées. Alors tout ça, hein, c'est super, ça offre des perspectives qui pourraient être un futur formidable si on surveille bien l'utilisation de ces technologies. Mais ça peut aussi être très inquiétant si on ne fait pas attention. Par exemple, le pape du transhumanisme, Ray Kurzweil, un génie de la technologie, lui, il a une vision du bonheur tout à fait particulière. Lui, son rêve, c'est de télécharger notre cerveau dans un ordinateur pour vivre éternellement sans émotion. Et donc, de ne plus être victime de nos souffrances corporelles. Comment il s'appelle, lui ? Ray Kurzweil. On lui ferait un petit coup à boire. Et puis aussi, de ne plus avoir, bien sûr, de plaisir corporel. Ah, voilà. Et alors, là, voilà, c'est là que je voulais faire une petite pause. C'est que notre conscience, si j'ai bien compris, se développe grâce à nos sensations et à nos sentiments, que ce soit la joie ou la peine. Et entre autres, toute notre vie est motivée par le fait qu'à la fin, on meurt. Mais si on ne meurt plus à la fin et qu'on n'a plus d'émotions, on n'a même plus conscience d'être en vie. Alors, on peut nous débrancher, puis on peut même nous rebrancher plus tard, on s'en foutra totalement. On sera devenus des calculatrices plus ou moins performantes. Alors, des savants fous qui annoncent la vie éternelle, il y en a eu durant toute l'histoire de l'humanité. La petite différence aujourd'hui, c'est que Ray Kurzweil, c'est le directeur du développement de chez Google. Ah oui. Donc, il a les crédits illimités. Et comme il est loin d'être con... Si lui dit que c'est possible, c'est que c'est bien probable qu'effectivement ça arrive. D'autant que depuis qu'il a annoncé tout ça, tous les milliardaires du monde veulent le subventionner, forcément. C'est la seule chose qu'ils pouvaient pas acheter, la vie éternelle. Alors ça les intéresse beaucoup. Arrivés à la fin de leur vie, ils se contenteraient bien de la vision du bonheur de Ray Kurzweil, une éternité à se faire chier, même sans le savoir. Merci, Marius Colucci. Transcendance avec Johnny Depp, me dit-on. Oui, exactement. Il y a plein de films. En fait, on a tendance toujours à penser que le futur va nous amener à Matrix, où on sera dirigé par des ordinateurs. Sauf que, pour l'instant, on met les garde-fous, ce qui fait qu'a priori, le futur ressemblera plutôt à Wall-E. On ne sera pas dirigé par les ordinateurs, on sera engraissé par les ordinateurs, et on sera des gentils labradors. Voilà, pour la référence cinématographique, on peut compter sur aussi notre réalisateur Benjamin Riquet, qui est en régie, émission préparée par Nathalie Romero, Sarah Masson. Nous sommes en compagnie de Sandrine Kiberlin jusqu'à 18h, et à suivre Guillaume Meurice. Vite, tu penses une chose, tu penses son contraire. Tu passes ton temps à faire encore plus à défaire. Tu sens comme tout de toi ne prend plus la lumière. Tu sens comme tout de toi glisse sans fin vers la rivière dans la nuit. D'ici, dans la vie. D'ici. Sextant, tu te crois indigène, mais tout est éboulé, fil chanté dans la plaine. Tous sont encore esclaves, tout est vain et cruel. Autant que tout t'emporte, rien ne tient le contre-courant dans la vie. D'ici, dans la vie. Tricéphale sous les caresses bleues, tu cherches vent à dos au cours des promenades. Tu vois la langue douce briser ce qui est beau. Je crois qu'il ne nous reste que la peau sur les os dans la vie. D'ici, dans la vie. D'ici. Le cœur et le cerveau, petit alu de Lorraine, corolle de lumière, giroflée des moraines, ventricule du cœur qui crache dans l'artère. Ma petite marmotte ne va pas t'engourdir tout l'hiver dans la nuit. D'ici, dans la vie. The French Lynx, c'est Jean-Louis Murat sur France Inter. Il est 17h37. On est en compagnie de Sandrine Kiberlin. Le film d'André Téchiné sort demain quand on a 17 ans avec Kessimothée Klein et Corentin Fila qui jouent les deux adolescents dans le film. Autour de cette table, Alex Vizorek. Eh bien, par ordre d'apparition, nous avons déjà eu Marius Colucci. C'est fait, hein. Il nous a déprimé. Qu'est-ce que le temps passe vite. Nous aurons tout à l'heure Juliette Arnault. Elle va parler du film, ça va être bien. Et là, c'est Guillaume Meurice. Oui. Ah bah oui, je le reconnais. Oui, c'est moi. Alors, j'ai fait quelques calculs. Depuis le début de la journée, Charline, vous avez parlé 2h27 minutes, dont 2h20 à tenter de réveiller Alex qui dormait dans le bureau. Quant à vous, Alex, vous avez parlé 1h12, hein, les ronflements ne faisant évidemment pas partie du décompte. Alors, je suis un peu au taquet là-dessus aujourd'hui, parce que je me suis intéressé à une proposition de loi socialiste qui vise à supprimer donc l'égalité des temps de parole dans les médias des candidats à la présidentielle. Donc, désormais, plus les sondages sont mauvais, moins on te donnera du temps de parole. Hein, voilà, histoire de bien te niquer définitivement. Excellente idée du PS. C'est le même parti qui lutte contre le chômage en favorisant le licenciement. Ah, donc là, on est bon. Donc, on a hâte qu'il lutte contre la pédophilie en nommant Barbarin ministre de l'Éducation nationale. On a hâte. Mais en attendant, pour évoquer le temps de parole, je suis allé ce matin à l'Assemblée nationale et j'ai rencontré, par exemple, Jean-Pierre Magie, député PS des Bouches-du-Rhône. Jean-Pierre Magie, qui, vous allez le constater, porte particulièrement bien son nom. Il était à peu près 11h30 j'ai demandé à Jean-Pierre son avis sur cette proposition de loi. Tout le monde a le droit de s'exprimer et il faut sortir des grands partis qui monopolisent le débat. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec cette proposition. Donc vous êtes en désaccord, ça veut dire? En désaccord avec cette proposition. Ah, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Attendez, voilà vous me... Non, parce que là, je viens juste de me lever parce que je suis fatigué en ce moment. Alors, on recommence. Alors, on va recommencer. Il n'y a pas de... Alors, il était 11h30. Hein, 11h30, il n'y a pas de souci, Jean-Pierre. On recommence, puis t'en fais pas pour la grasse mat, c'est cadeau, c'est pour nous. Il y a de la magie hein, chez Jean-Pierre, hein, je vous avais prévenu. Alors, Jean-Pierre, on se concentre un petit peu. Qu'est-ce que tu as voté? Alors, écoutez, je ne sais pas, honnêtement, parce que là, comme je suis parti, donc je ne sais pas. Est-ce que j'ai voté contre le parti la proposition socialiste pour les limiter le temps de parole? Vous demandez à votre assistant. Sur les... Est-ce qu'il a voté cette élection présidentielle? Il a voté contre deux lectures, sans ambiguïté. Ah voilà, vous n'en souvenez plus. Non, mais attendez, écoutez, il y a tellement de trucs, tellement de tests que ça devient de l'harcèlement. Eh oui, c'est de l'harcèlement, toutes ces lois à voter, fouillues, on ne s'en sort pas. Et puis, Magic Jean-Pierre vient d'être mis en examen hein, pour favoritisme et détournement de fonds publics, donc il a d'autres choses à penser que les temps de parole, je pense, en ce moment. Quoi qu'il dise, il est entendu, Jean-Pierre, hein, notamment, par un juge d'instruction. Restons dans le sud de la France avec Éric Ciotti. Alors lui, il est clairement d'accord pour supprimer l'égalité des temps de parole, parce que la présidentielle, c'est pas quoi ? La présidentielle, c'est pas je passe à la télé pour dire bonjour à mon fils ou à ma mère, c'est gérer la France. Donc soyons sérieux. Donc ce texte sur l'équité, personnellement, ça me gênera pas de le voter. Vous en savez quelque chose, parce que vous êtes assez peu présent dans les médias ? C'est pas le débat. Si, c'est précisément le débat. Et c'est vrai qu'Éric, il est quasi inexistant dans les médias. À la télé, par exemple, on le voit jamais à la télé. Bien souvent dans les radios. Attendez, si on accepte TF1, France 2, France 3, Canal Plus, France 5, M6, ITV, BFM, Cuisine TV et Equidia, il est jamais à la télé, Éric Ciotti. Il est jamais sur Gulli, par exemple. C'est un scandale, ça. On me signale que Cortex, dans le dessin animé Minus et Cortex, c'est Éric Ciotti. Donc j'ai rien dit. Bon, en tout cas, vous avez entendu les éléments de langage des défenseurs du texte. Ils disent on va passer de l'égalité à l'équité. Alors qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? J'ai demandé au député PS Razi Hamadi et je vous promets que j'ai vraiment envie que ce soit clair pour tout le monde. L'égalité, ça peut être quelque chose que vous énoncez qui n'est pas respecté et qui fait qu'il n'y a même pas de débat. Et le fait que ça soit équitable, c'est prendre en compte le fait que chacun a ses chances pour porter ses idées, mais il y a aussi un principe de réalité qui est respecté et qui permet justement l'existence d'un débat. C'est pas clair du tout. Parce que vous n'avez pas envie que ça soit clair. Moi j'avais envie de piger à la base en fait. Tout le monde a envie de comprendre pourquoi on doit virer arbitrairement telle ou telle parole démocratique du champ médiatique. On dit que le PS n'est plus de gauche, mais excusez-moi, une proposition comme ça, Staline, il en aurait frémi de la moustache, hein. Il aurait frétillé du goulag. Alors pour tenter d'en savoir encore un peu plus, je suis allé voir François Loncle, député PS de l'Eure. Moi je suis un ancien journaliste et je comprends très bien les rédactions lorsque elles doivent supporter... une demi-heure de Poutou face à une demi-heure de Hollande. Donc la parole de Poutou vaut moins que la parole de Hollande. Mais non, mais il s'exprime là où il veut, quand il veut, cela dit... Poutou, il n'est jamais invité nulle part, donc il ne s'exprime pas beaucoup. Moi, je l'ai vu dans certaines émissions, y compris les émissions People, etc. Ah oui, non, d'accord, non, il confond Poutou et Nabila. Pardon, non. Alors, c'est vrai que depuis qu'il s'est fait refaire les seins, Poutou, on a du mal à le reconnaître. Mais bon, donc la loi a été votée en première lecture à l'Assemblée par les 577 députés présents. Par 27 députés présents. Excusez-moi. Donc 20 voix contre 7. Mais on l'a dit, hein, c'est de l'harcèlement, toutes ces lois à voter, fouillou, et c'est compliqué. Et donc concluons avec François Long, qui est fort satisfait. C'était difficile, effectivement, de consacrer autant de temps à des candidats inconnus qui n'ont strictement aucune chance, qui feront entre 0 et 5% au résultat final. Oui, mais si on ne leur laisse pas la parole, du coup, ils feront encore moins. Mais ça ne concerne... Ça dépend des rédactions aussi. C'est pas à nous emmêler. Ah ben si, justement, la loi obligeait. Oui, bon, une dizaine ou une douzaine, une quinzaine de candidats, bon, moi, ça ne me semble pas indispensable dans la vie démocratique d'un grand pays comme le nôtre. Non, c'est vrai, et ça, un grand pays comme la Corée du Nord l'a bien compris. Voilà, mon temps de parole est terminé, hein, ça tombe bien, puisque tout ça me laisse sans voix, et j'espère que ceux qui votent des lois comme ça en auront de moins en moins aux prochaines élections. Merci Guillaume Meurice, reporter dans la comédie du pouvoir, parce que là, on peut parler de comédie, je pense, hein, Sandrine Kiberlin, il y avait une dimension, voilà. On va redonner du temps de parole à Sandrine Kiberlin, qui est venue nous voir. J'aimerais bien, j'ai le droit à parler. On va reparler cinéma et rôle social, parce qu'on est sur France Inter quand même, 17h43. L'insertion par le cinéma, eh bien ça existe. En tout cas, Le Monde rapporte un exemple dans son édition datée d'aujourd'hui. Cet exemple, c'est celui de Philippe et Yasmina Faucon, le réalisateur et la sénatrice de Fatima, qui a récemment reçu un César. Il dirige un atelier d'écriture pour primo-arrivants. Voilà un exemple d'insertion, il en existe d'autres. Oui, n'en déplaise à certains, il en existe d'autres, on en doit même certains à la police de Molenbeek. Bico, Métek, Moutouf sont autant de petits sobriquets que d'aucuns usagers utilisent pour désigner nos amis les Maghrébiens. Pour la plupart originaires de l'Afrique du Nord, les Maghrébiens font maintenant partie intégrée dans le paysage de nos villes urbaines. Apprendre à les approcher et à les connaître est un pas vers plus de convivialisme. Certains Maghrébiens se demandent bien souvent la question de savoir pourquoi ils font l'objet de plus de contrôles d'identité que les usagers classiques, si j'ose dire. C'est pourtant simple. Leur sympathique tempérament méditerranéen, empreint de décontraction et de farniente, les amène manifestivement à un comportement souvent distrait. En effet, ils oublient régulièrement leurs papiers à la maison. C'est pourquoi, par souci d'intégration, nous les aidons à s'en souvenir par des petits contrôles de routine. Et oui, c'était une vidéo de la RTBF, une série qui s'appelait Faux Contact avec Manu Toro et certainement tournée à Molenbeek il y a quelques années, effectivement. Alors, la quinzaine des réalisateurs à Cannes a fait une formidable initiative que moi j'ignorais, je ne sais pas si vous saviez, vous, Sandrine Kiberlin, donc c'est dans Le Monde d'aujourd'hui. Et cette initiative, c'est l'organisation d'un atelier d'écriture. Il y en a un qui est dirigé par Philippe et Yasmina Faucon, donc Fatima, César du meilleur film cette année. Vachement bien écrit, d'ailleurs. Voilà, un film que vous avez particulièrement apprécié. Ouais, beaucoup aimé. Et donc, ça se passe dans la banlieue de Cannes, Cannes-la-Bocca. Et ça peut donner aux gens qui sont en rupture sociale ou aux primo-arrivants, finalement, un accès au métier du cinéma. Sandrine Kiberlin, est-ce que vous pensez que c'est par ces gestes-là qu'on peut peut-être ouvrir un peu, aérer le cinéma, donner des nouveaux points de vue et en même temps une chance aux gens? C'est surtout ce que je retiens le plus, c'est la chance aux gens, parce que... Et puis il y a des gens sans doute formidables partout, mais ça donne une chance de s'exprimer à des gens qui en auront peut-être pas l'occasion, qui en auraient peut-être pas l'occasion autrement. C'est une super initiative, je trouve. En plus avec des gens si doués, dans un cadre quand même qui est très mis en lumière, parce que Cannes, quinzaine, c'est quand même quelque chose dont on parlera évidemment. Et puis comme c'est quelque chose de nouveau, je pense qu'ils vont beaucoup axer les choses sur ces gens-là qui ont sans doute C'est cohérent aussi quand on est réalisateur d'un film avec une dimension très sociale, de montrer très que cohérent, dans la vie, on peut aussi... on va au-delà de ses convictions dans le film et à l'écran. Je pense que Philippe Faucon, pour avoir parlé comme ça d'une héroïne, comme il le fait dans son film Fatima, que je vous conseille fortement. Pour en avoir parlé comme ça, pour la filmer comme ça et pour l'avoir écrit comme ça, je pense qu'il a une conscience du monde aiguë et que c'est ce qui le conduit aujourd'hui à faire un atelier comme celui-là, que je trouve formidable, ouais. Voilà, et Philippe Faucon qui avait d'ailleurs réalisé La Désintégration en 2012, super, rappelle le monde, voilà. C'est trois jeunes qui se radicalisent et préparent un attentat. 55 000 entrées, mais aujourd'hui, son film a une nouvelle vie grâce justement à la mise en lumière de Fatima. Et donc voilà, je vous renvoie à cet article du Monde daté d'aujourd'hui sur cet atelier. Et croisons les doigts pour qu'il y en ait d'autres. Ouais, absolument. vous pourriez participer. Moi, je vais faire un petit atelier. Oui. Couture. Et pourquoi pas, de costume? Non, mais je trouve tous ces ateliers. Non, mais j'adorerais, moi, parler de, je sais pas, parler de mon métier autrement que avec vous ou avec des histoires de promotion. Ailleurs, ouais. Et pas, surtout pas ici. Merci. Une forme de micro-solidarité. Voilà, avec des gens qui ont peut-être pas l'occasion d'approcher des acteurs, qui idéalisent trop ce métier, ouais. Et leur dire que c'est un métier comme un autre, et puis avoir une approche avec eux de ça, comme d'un autre métier, ou comme de... Oui, je trouve ça super. Sandrine Kiberlin est donc avec nous. Et puis, Juliette Arnaud, vous avez vu Quand on a 17 ans d'André Téchiné, qui sort demain en salle, avec Sandrine Kiberlin, avec Kessimothée Klein et Corentin Fila. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que vraiment, c'est super important, un titre de film qui ne monte pas. Par exemple, La Boum. Bon, c'est une gamine qui veut aller à une boum. Pas mensonge. Voilà. Pas de vacherie. Mon curé chez les nudistes, c'est pas un film où ça papote non-stop sur la fission de l'atome. Vous voyez le truc? Avec Quand on a 17 ans, soyez en confiance, parce que premièrement, oui, c'est un film qui traite de l'adolescence, et deuxièmement, vous avez tous forcément, quand vous avez vu écrit sur l'affiche Quand on a 17 ans, vous avez pensé à On n'est pas sérieux, Quand on a 17 ans, vous savez, le vers qui précède. Chez Rimbaud, là encore pas de mensonge, dans ce film de Téchiné, il y a de la joie, il y a de la vie, il y a du rire. Enfin, il y a aussi, parce que ça reste un film d'auteur, un film d'André Téchiné, et que l'adolescence, de toute façon, soyons honnêtes, c'est pas exactement une partie de plaisir. Enfin, si, il y a du plaisir, ouais. Mais d'abord, il y a le désir. Hein, comme dans la chanson de Woolsey, mon premier... J'arrête. J'allais la chanter, je le fais pas. Donc, l'apparition du désir... On peut s'y mettre. On le fera juste après. Donc, l'apparition du désir physique... Enfin, l'apparition. L'apparition. Le débarquement, l'abordage, l'invasion, la colonisation. Vous noterez la tendance guerrière du... Oui. Les champs lexical, parce que l'apparition du désir physique, c'est rude. Le désir, ça n'est pas qu'un sujet de philo. Par exemple, le désir et sa fuite en avant inhérente et perpétuelle, est-il le propre de l'homme? Vous avez 2 heures, Alex, je sens que tu vas te choper une bonne note. Le désir, c'est rude, disais-je. Surtout comme lorsque dans le film, on est un garçon, Damien, fils de Sandrine Kiberlin, qui tombe amoureux d'un autre garçon, Thomas, lequel a l'air d'avoir plus envie de lui peigner la figure à coups de râteau que de répondre favorablement à son désir. D'ailleurs, ils vont commencer, les deux enfants hommes de 17 ans, par se filer des peignées. Un peu comme dans Fight Club. Vous savez, les dérouillés homériques entre Jack et son double, Tyler Durden. Ça m'a rappelé une citation de Fight Club qui dit « Il y a un adage qui dit qu'on fait toujours du mal à ceux qu'on aime. » Eh bien, ça va dans les deux sens. Cet adage oublie de dire qu'on aime ceux qui nous font du mal. Des peignées, donc. Sauf que là, les peignées, c'est en pleine nature. Parce que dans Fight Club, c'était dans la ville. Loin des yeux des autres. Oui, Alex, c'est bien de suivre. Comme pour la sexualité. Qui est une chose très privée, finalement. Sauf évidemment pour les adeptes des clubs très privés, type le lapin espiègle, pour les plus délurés d'entre nous. Quand on a 17 ans, en anglais, ça peut se dire... At 17. Et At 17, c'est une très belle chanson magnifique. De 1975, ouais. De Janice Ian. Ouais. Dont je vais vous donner à entendre un petit Janice morceau. Lynn, non, comment Janice Lynn ou non, Janice Ian. Ah, ok. Ah bon. J'ai vérifié sur l'internet. Il faudrait qu'on ait du soutien de Herzeg, je sais pas quoi. Il confirme. Et donc, elle évoque Janice Ian dans cette chanson. Ceux d'entre nous magnifique. Qui, avec leur visage bouffi d'acné, qui sont pas exactement bien nés et qui restent chez eux, s'inventant des amants imaginaires qui appelleraient pour dire viens danser avec moi et nous murmureraient de vagues obscénités. C'est pas toujours ce qu'on croit d'avoir 17 ans. Savage faces, lacking in the social graces, desperately remained at home, inventing lovers on the phone, a call to Satan. Voilà, avoir du ça a l'air de François aussi que vous avez oublié. C'est affreux. 17 ans. Voilà. Celle-là, on l'a passée, celle-là. Non, je ne la passerai pas. C'est la même ans, version a... Claude François. Je pense que c'est la. Oui, oui, il en a fait son. Il l'a traduit. Il l'a foutu en l'air. À mon avis. À vous, Guillaume. À mon avis, il y a Jean-Luc Lahaye aussi. 17 ans, c'est un peu âgé. Pourquoi je vous donne la parole? Je ne sais pas. Juliette Arnaud. Avoir 17 ans, c'est effectivement pas toujours ce qu'on croit. Avoir 17 ans, c'est souvent être seul ou isolé. Et poussé vers la maturité. Ainsi, dans une des premières scènes du film, les deux protagonistes ont choisi bon dernier pour intégrer les équipes de basket. Damien, sans doute parce qu'avec sa boucle d'oreille, il inquiète les autres. Et puis Damien, il s'occupe de sa maman, le père fait la guerre, alors il lui fait à manger à sa maman. Mais bon Dieu, c'est qui l'ado dans cette histoire? Et puis il y a Thomas, le fils de paysan, qui au rythme des nuits de pleine lune, qui l'agite et de ses courses dans la forêt, de ses baignades également nocturnes dans un lac de montagne, se tient à l'écart et s'inquiète pour sa maman fatiguée par une grossesse tardive et fragile. Mais bon Dieu de rechef, me suis-je demandé. C'est qui l'ado? C'est qui l'ado, Sandrine? Mais c'est peut-être la mère. Allez savoir. Mais c'est pas faux. C'est pas faux, hein? Non, oui, il y a de l'adolescence un peu partout. Mais ils sont très ados quand même. Mais ils ont des responsabilités assez matures, je trouve, dans le film, les deux adolescents. Ils sont isolés. Et puis, comme vous le disiez, mon fils, dans l'histoire, le père est absent souvent. Donc, il a souvent comme ça dans des histoires de parents séparés ou d'hommes absents de la maison, le fils, quand c'est avec une mère en tout cas, reprend un peu le rôle du père. Là, c'est bien dosé parce que ça reste quand même le fils de sa mère. Je trouve qu'il y a un truc d'adolescent chez elle, effectivement, mais même je trouve qu'elle retombe en adolescence parce qu'elle fait des bras de fer avec le copain qu'elle, qu'elle invite sous son toit. Elle fantasme un peu aussi, non? Ouais, puis elle se marre tout le temps, elle a un truc de légèreté. De légèreté, vraiment de retomber dans l'adolescence, je trouve. Elle a un truc comme ça de fantaisie qu'on a quand on est ado, un peu inconsciente aussi de ce que traverse sans doute son mari, même si quand elle le voit par Skype et tout, elle reprend vraiment conscience des choses. Mais elle a un truc à la fois très responsable de ses passions, de son fils, de tout ça, mais elle se laisse aller dans des trucs assez fantaisistes et tout dans le film qui sont légers et qui les rapprochent de ces deux-là, d'ailleurs, de ces deux adolescents-là. Elle les comprend vachement, je trouve. Vous l'avez interprété comme une fuite, cette retombée en adolescence ou... Ah, il y a un peu de cette, oui, c'est un peu de cet ordre-là aussi. Je pense qu'elle a besoin elle se sert aussi de l'adolescence de ces deux-là pour pas penser trop à la peur qu'elle a sans doute du quotidien, du quotidien et de ce que vit son mari, qui est effectivement très dangereux. Alors moi j'ai une question scénaristique, c'est-à-dire que les deux ados se détestent au début. Ça c'est bon pour l'atelier. Vous savez que c'est bon pour l'atelier de Philippe. C'est vrai, voilà, on entame là. Voilà. Moi, en tant que belge, secondo arrivante, j'ai une question. Il faut y penser pour la quinzaine. Allez-y. Ils se détestent. Alors, vous êtes la maman et vous proposez finalement d'héberger sous le toit le Tom. C'est marrant, c'est un truc qui me posait problème dans le scénario. C'est vrai ? Ah, voilà. Oui. Mais qui me posait une question. Mais je demandais à André, mais tu crois pas que c'est bizarre alors qu'elle sent son fils déjà un peu tracassé par ce mec, puisqu'ils n'arrêtent pas de se bagarrer, que. Pile, c'est quoi? C'est pour le titiller qu'elle choisit pile ce gars-là sous son toit pour l'aider, etc. Et lui, il est beaucoup plus... Il a raison. Et elle est très spontanée, elle est très altruiste. Donc, elle voit un type en galère de l'âge de son fils. Elle voit l'injustice que ça représente d'un type qui a un chemin hallucinant à faire dans la montagne pour être scolarisé. Donc, elle, c'est aussi une façon sans doute d'apprendre à son fils la vie, l'attention avec les autres, le machin. Elle est loin d'imaginer quand même tout ce qui se trame derrière. Elle voit une violence entre deux et elle se dit c'est peut-être l'occasion de les rabibocher. Elle est d'une naïveté, on dirait une Belge. Moi, très belge. Moi, je l'ai travaillé très, très sur la Belgique. On sent dans l'accent. C'est quand on a 17 ans d'André Téchiné qui sort en salle demain. Et nous avons un rôle intense à vous proposer, Sandrine Kiberlin, avec même un ustensile, Guillaume. Regardez comment procède Guillaume Meurice. En fin d'émission, on propose chaque fois un sketch à l'invité. Et aujourd'hui, nous avons un accessoire. Nous avons le gueulophone, car le sketch d'aujourd'hui se déroule sur le tarmac en Égypte. Ce matin, quand le détournement d'avion, donc un homme avait détourné l'avion pour retrouver son ex. Le chef de la police chypriote, c'est Guillaume Meurice. Vous êtes la femme et je suis votre ex. C'est moi qui écris, je fais ce que je veux. On est parti sur le tarmac à Chypre. Ici la police chypriote. Ne faites rien que vous pourriez regretter. Quelles sont vos motivations? J'ai un message à faire passer! Vous réclamez le retrait des troupes en Syrie? Non, pas du tout! En Palestine? Non, je sais même pas où c'est! Vous faites ça pour les 72 vierges, c'est ça? Pas du tout, c'est pour mon ex! Elle est vierge? Bah non! Mais c'est qui? C'est Sandrine Kiberlin, l'actrice! Ah! C'est pas vrai, c'est pas moi! Celle qui a un air de Nathalie Kosciusko-Morizet? Non, c'est pas moi, justement, non, c'est pas moi! Elle dit que c'est pas elle! Je suis là, je suis prête à collaborer! Merci, madame Kiberlin, d'être venue si rapidement! Mais j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Comment va-t-il? Alors attendez, parlez-lui là-dedans. Regardez, vous faites comme ça. Voilà. Ok, passez-le. Reculez un peu, Sandrine, parce que... Robert, tu m'entends? C'est moi. Non. Sandrine, c'est toi? Oui, c'est moi, la sosie de Nat. Oui, c'est moi, qu'est-ce que tu veux? Je t'apporte une lettre. Une lettre? Oui, 4 pages. Mais t'es complètement con. Mais pas plus que quand tu m'as choisi. Mais ça aurait été plus simple de m'envoyer un texto. J'ai perdu ton numéro. Mais un mail alors. Je l'ai fait, mais tu m'as jamais répondu, j'ai dû tomber dans les spams. Sur Facebook? Mais on n'est plus amis, tu m'as bloqué. Le jour où j'ai changé ma situation amoureuse, c'est compliqué. Mais attendez, pourquoi vous avez fait ça? En soi, ce qui m'a surtout énervé, c'est qu'il auto-like son statut. Ah ouais, d'accord, non mais il est complètement con en fait, d'accord. Et un tweet, pas possible non plus? C'est ce que j'avais à te dire, c'est plus que 140 caractères. Je suis en train de perdre toute ma crédibilité. Vous êtes en train de choper les nouveaux rôles. Je me lance un peu. Du coup, il te restait que le détournement d'avion. Voilà, c'est ce cas. Eh ben, je suis là. Tu me la lis, la lettre d'amour? Quelle lettre d'amour? Ben enfin, on me dit que tu avais détourné l'avion pour me remettre une lettre de 4 pages. Ah oui, elle fait 4 pages, mais c'est pas une lettre d'amour. C'est une lettre de quoi? C'est une facture. Une facture? Facture de téléphone, 128,64 €. Ben non, mais c'est confirmé, il est complètement con. Là, il y a de la comédie qui va tomber, Sandrine. Ne me remerciez pas. Là, le rôle de ma vie. Et alors, la César, même, je vous le devrais. Je vous le devrais. Que Sandrine Kiberlin, avec le mégaphone emprunté à la CGT Radio France, c'est quelque chose. Il y a une syndicaliste en vous, Sandrine Kiberlin. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. Merci. Je rappelle qu'on peut donc voir en salle demain le dans un autre dernier genre de rôle film. Une Marianne. Sandrine Kiberlin est la Marianne d'André Téchiné. Voilà, le rôle de Marianne a plus de relief. Il y a de l'émotion, il y a du rire, mais il y a... Oui. Une palette plus large. Donc, quand on a 17 ans d'André Téchiné avec Kessimothée Klein et Corentin Fila. C'est donc en salle demain quand on a 17 ans. Merci beaucoup. Merci à tous autour de cette table. Merci à vous. On va se retrouver demain avec Camille Cotin. Et puis, on va laisser le mot de la fin à la police de Molenbeek et ses efforts pour intégrer la population originaire d'Afrique du Nord. Pour la plupart originaires de l'Afrique du Nord, les Maghrébins font maintenant partie intégrée dans le paysage de nos villes urbaines. Apprendre à les approcher et à les connaître est un pas vers plus de convivialisme.